Le gouvernement suisse a décidé d'offrir la coopération urgente à la Corée, qui a connu des dommages causés par les déluges dans la région septentrionale de la province du Hamgyong du Nord.